Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Marie Laguerre. Cette histoire raconte le drame vécu par cette jeune femme qui, en plein milieu de l'été 2018, a publié sur sa page Facebook la vidéo de l'agression qu'elle venait de subir dans la rue. On la voit agressée par un homme en pleine journée, image que vous avez sans doute vue, largement diffusée à la télé comme sur les réseaux sociaux. Sensible, l'affaire l'est assurément. Tant la question du harcèlement de rue a mis du temps en France à trouver écho dans la classe politique, alors que la société civile, elle, dénonçait depuis longtemps cette violence faite aux femmes. L'affaire Marie Laguerre symbolise en quelque sorte la bascule de notre État, de notre justice, de notre société face à ce problème ancien. De plus, l'histoire de cette jeune femme, sa médiatisation, son impact dans la société, s'inscrit parfaitement dans le chemin plus long des luttes féministes dans lesquelles le web joue un rôle particulier et, pour tout dire, central. Notre invitée aujourd'hui, Fatima Benomar, cofondatrice du mouvement Nous Toutes et des Effrontées. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Juillet 2018, Paris, 19e arrondissement. Il est 18h45 environ. Marie, une étudiante en architecture de 22 ans, se fond dans la foule des passants. Elle a de longs cheveux bouclés bruns, elle porte une robe rouge, un grand sac en bandoulière. Normalement, elle ne se balade jamais sans ses écouteurs. C'est ainsi, à Paris, comme ailleurs, quand une femme se promène seule, ses pas sont souvent suivis de petites allusions, de bruits, de mots, de gestes. Alors, pour éviter d'être interpellée, beaucoup utilisent la technique des écouteurs. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais ça protège un peu. Ce 24 juillet, alors que Marie s'approche de chez elle, elle n'écoute pas de musique. Et là, en passant devant une terrasse de café, un homme croise son chemin. Bien, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont probablement jamais vus. Et pourtant, sans raison, l'homme l'interpelle. Sifflement, bruit d'hiver, pas avenant, tout ça. Marie entend tout. Alors elle réagit, elle lâche un « ta gueule », puis poursuit sa route. L'homme attrape alors un cendrier posé sur l'une des tables du café et le jette sur la jeune femme. Sur la terrasse, c'est la stupéfaction. Personne ne comprend ce qui vient de se passer. Tout va tellement vite, trop vite, et puis d'effet de surprise. Enfin, l'individu se rapproche de Marie, il l'insulte, puis, arrivé à son niveau, il la gifle. Le coup est si fort que Marie vacille. Un inconnu se lève, empoigne une chaise, quelques mots sont échangés, et l'agresseur s'en va, tout comme Marie. Ce 24 juillet 2018, une femme vient donc de se faire agresser en pleine rue, en pleine journée. Combien furent-elles ce jour-là, cet été-là, comme Marie, à rentrer chez elle, meurtrie et abîmée par des mots, des gestes, des coups? Marie Laguerre, tel est son nom, est une femme qui n'a pas l'habitude de se taire. Après avoir soigné son arcade sourcilière, elle descend au café à la recherche de témoignages. Sur place, le propriétaire du lieu lui apprend qu'une caméra de surveillance donne sur la terrasse. Il lui copie les images et se propose de l'accompagner au commissariat. À leur arrivée, l'attente est interminable. On demande à la jeune femme de revenir le lendemain. Ce qu'elle fait dès le matin. La plainte est prise avec sérieux et bienveillance. Oui, on l'écoute, on note chacune des informations qu'elle donne et on lui promet de revenir vers elle dès que l'enquête aura avancé. Voilà. L'histoire aurait pu s'arrêter là, dans les locaux du commissariat. Sauf que Marie Laguerre est une femme de son temps, de son époque. Ce jour-là, à la tombée de la nuit, elle décide de témoigner de son agression sur son compte Facebook. À 23h24, elle publie ce message. Hier soir, alors que je rentrais chez moi, vers le boulevard de la Villette, dans le 19e arrondissement à Paris, j'ai croisé un homme. Il s'est permis de m'adresser des bruits, commentaires, sifflements, coups de langue sales, de manière humiliante et provocante à mon passage. Pas de chance, c'était pas le premier de la journée et j'étais fatiguée. J'ai donc lâché un « ta gueule » en traçant ma route. Car je ne tolère pas ce genre de comportement. Je ne peux pas me taire et nous ne devons plus nous taire. Puis elle conclut par ces mots. Le harcèlement, c'est au quotidien. Ces hommes qui se croient tout permis dans la rue, qui se permettent de nous humilier et qui ne supportent pas qu'on s'en offusque, c'est inadmissible. Il est temps que ce genre de comportement cesse. Dès sa publication, le message porté par la vidéo de l'agression est viral. Des milliers de likes, des milliers de commentaires en français, anglais, italien, espagnol. Bref, les réseaux sociaux s'emballent. Les médias emboîtent le pas. Presse, télé, radio, Marie enchaîne les plateaux. En quelques jours, elle devient le visage d'un mal bien connu, le harcèlement de rue. C'est un véritable fléau, le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue avec pour la première fois une preuve par l'image. Dans l'actualité également ce soir, cette enquête ouverte à Paris après la plainte de la jeune femme harcelée et frappée au visage. Well, France has just approved a new law to crack down on sexual violence and harassment, just as this video. Récemment, une femme en a été victime à Paris, frappée par son harceleur. Elle a pu porter plainte car la scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Une jeune femme a été frappée au visage. Toute la scène a été capturée par une vidéosurveillance. Elle s'appelle Marie. Marie Laguerre, la victime de cette agression, a diffusé ces images pour dénoncer cette violence. You can see 22-year-old Marie Laguerre in the red dress there as she walks past the man at the top of the screen. Sur ces images filmées par la caméra d'un café. Par une vidéosurveillance. Vidéosurveillance. Une scène de harcèlement de rue qui tourne mal. Il s'est permis de faire des bruits dégradants, des sifflements, des coups de langue. As women, we don't feel safe in the streets. And I think that today it's completely unaccepting that it's the situation is like that. Toutes les femmes, il y en a pas une qui n'a pas une histoire de harcèlement en fait. Si l'histoire de Marie fait la une au milieu de l'été 2018, le harcèlement de rue n'est pas un phénomène nouveau. Depuis de nombreuses années, c'est même un sujet récurrent sur le web. Une réalité documentée par des blogs, des forums féministes. En 2005, par exemple, à New York, une femme, Tao Nguyen, est victime de harcèlement dans le métro. Face au refus de la police de l'aider, elle poste l'image de son agresseur sur Flickr, la plateforme de publication de photos. On ne parle pas encore de buzz, mais c'est tout comme. La photo est relayée, dupliquée, imprimée, placardée. On la retrouve même à la une du Daily News. Un blog, Olabac, est créé dans la foulée afin de récolter les témoignages de victimes de harcèlement sexuel. 5 ans plus tard, le blog devient ONG et porte le même nom. Et depuis, Olabac est toujours actif. Nous pouvons également évoquer l'histoire de Sophie Peters. En 2012, pour son projet de film de fin d'études, cette documentariste belge fait le choix d'aborder en images le harcèlement de rue qu'elle subit elle-même chaque jour. Munie d'une caméra cachée, elle enregistre son quotidien. Proposition malsaine, bruit sexiste, insulte, menace. Un verre ensemble ou quoi ? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu connais direct. Vous comprenez pas ? Je veux pas. Si tu veux l'envie, c'est normal, non ? Ouch ! Ouch ! Alors, petit fait fesse. Petit fait fesse. Pardon. Chienne. Salope. Dès la publication de ce film, Femme de la rue, le compteur des vues sur Internet explose. Les médias tournent des sujets, les politiques réagissent. En réponse à l'émotion publique, le parquet de Bruxelles et l'administration communale mettent en place une amende administrative de 250 euros contre ce type de propos. Au niveau national, après 2 ans de discussion, en mai 2014, une loi destinée à lutter contre le sexisme dans l'espace public est adoptée, ce qui est une première. Cette loi belge stipule que toute personne qui par son comportement exprime, je cite, un mépris à l'égard d'une personne en raison de son appartenance sexuelle ou la considère comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle entraînant une atteinte grave à sa dignité est passible d'une peine d'emprisonnement et ou d'une amende de 50 à 1000 euros. Des mesures du même genre sont également prises au Portugal et en Grande-Bretagne. Et en France ? Eh bien, à la suite du buzz lié au film de Sophie Peters, une Française, Anaïs Bourdet, décide elle aussi d'entrer dans la bataille. Elle lance un Tumblr, une sorte de blog qu'elle nomme Peitachnek. L'idée est de récolter des témoignages, de les publier et de les géolocaliser afin de prouver que le harcèlement à l'encontre des femmes ne se limite ni à une ville, ni à un quartier, ni à une classe sociale. Dès la création du site, les témoignages arrivent par dizaines. Les mois passent, comme les années, et toujours autant de messages arrivent. Et pourtant, les réponses de l'État et de la classe politique tardent. Il faut attendre l'affaire Weinstein en octobre 2007 et le mouvement MeToo pour que les choses s'accélèrent. Le 24 novembre 2017, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Emmanuel Macron présente une série de propositions, dont une qui concerne l'outrage sexiste. De nombreuses femmes avaient confié à nos marcheurs que la première violence sexiste rencontrée est celle du harcèlement de rue. Oui, aussi absurde que cela puisse paraître, à la parole bridée et honteuse des femmes s'oppose la parole débridée des harceleurs qui, en toute impunité, pratiquent l'interpellation agressive, l'injure, la stigmatisation. Il faut bien le dire, pendant longtemps, c'est aussi l'indifférence, le regard détourné qui a accompagné ce harcèlement. Cela n'est pas acceptable. Il est donc indispensable que nous donnions aux forces de sécurité la possibilité d'agir immédiatement, de donner le signal fort qui éduque, là aussi, qui corrige, qui répare, qui rétablit la dignité et donne un sens à leur propre activité. C'est l'objectif de ce délit d'outrage sexiste. Outrage sexiste, une formule encore floue pour un nouveau délit qui reste à définir finalement. Dans la foulée de cette déclaration, un groupe de travail de 5 députés est constitué. Policiers, magistrats et associations sont consultés. En janvier 2018, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, tout comme la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, dévoile les premières pistes. Et l'idée d'une verbalisation lors de flagrants délits est alors actée. Le 14 mai 2018, les deux membres du gouvernement présentent aux députés le projet de loi sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La quatrième disposition du texte concerne le harcèlement dit de rue, comme l'explique Marlène Schiappa à la tribune du Palais Bourbon. Le harcèlement dit de rue est un des angles morts de notre droit positif. Ces comportements n'ont jamais été réprimés et pourtant, ils entravent fortement les femmes dans leur liberté et dans leur autonomie. Le harcèlement de rue affecte ainsi durablement leur vie quotidienne en les poussant à adopter des stratégies d'évitement, à modifier leur trajet, à ne pas sortir trop tard, à envisager des solutions de repli. Cette infraction vise donc à réprimer l'ensemble des propos ou comportements à connotation sexiste ou sexuelle imposés à une personne qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ces comportements seront désormais verbalisés d'une amende de quatrième classe, punie d'une amende maximale de 750 euros, pouvant faire l'objet de procédures simplifiées d'amende forfaitaire. Par ailleurs, les auteurs des faits pourront être condamnés à plusieurs peines complémentaires, dont l'obligation de suivre un stage contre le sexisme. Intimider, menacer, suivre, harceler, invectiver les femmes dans la rue ou dans les transports, bientôt, ce sera du passé. La discussion parlementaire se poursuit jusqu'à l'été. Et alors que le sujet n'avait aucune place dans la presse et les médias audiovisuels, l'histoire de Marie Laguerre remet la problématique à la une. Bien, mais pour faire actualité, l'information doit être incarnée par des voix, des visages, des images. Marie Laguerre, c'est la bonne histoire au bon moment. L'étudiante parle bien, accepte les interviews et, par chance, elle dispose de la vidéo de son agression. Et le pouvoir ne s'y trompe pas. Le 31 juillet, l'étudiante est invitée à assister au vote du projet de loi au Sénat. Son nom est cité, elle est applaudie. Son courage est salué. Le lendemain, à l'Assemblée nationale, Marlène Schiappa fait de nouveau référence à elle lors de son discours de clôture. L'actualité vient de montrer à celles ou ceux qui pourraient encore en douter l'urgente nécessité d'agir, puisque la semaine dernière, une jeune femme a eu à subir ces agissements relevant du harcèlement de rue qui se sont prolongés jusqu'à des injures, puis une agression physique. Je crois que les images de ces violences ont permis à chacune et chacun de prendre conscience de la réalité du harcèlement de rue que subissent des femmes depuis des générations. Quelques minutes plus tard, par la loi dite de lutte contre les violences sexistes et sexuelles est votée. Elle est promulguée le 3 août. L'outrage sexiste devient un délit passible d'une amende de 90 euros à condition que les auteurs soient pris en flagrant délit. Dans le même temps, Marie ne baisse pas la garde. Soutenue par des réseaux féministes, la jeune femme lance alors un site et une page Facebook intitulée hashtag nous toutes harcèlement. Un site de plus ? Peut-être. Mais les luttes contre les discriminations et contre les violences faites aux femmes ont besoin de relais, de personnes qui reprennent les initiatives, même de façon éphémère. Cet été-là, c'est Marie qui a porté la charge, jusqu'à devenir incarnation du combat. Et le succès du site est à l'image du buzz autour de son histoire. Dès son ouverture, en effet, des centaines de femmes investissent le lieu et témoignent de leur quotidien. C'était à la soirée d'un groupe politique. Il y avait une ambiance de rigolade, on faisait souvent des soirées. J'étais fatiguée, j'avais trop bu, je me suis à moitié endormie, la tête sur mes bras. Je me souviens pas de ce qui s'est passé, mais une fille qui a vu la scène m'a rapporté qu'un des hommes, qui avait 65 ans, se serait posté derrière moi pour me masser les seins. Je me suis sentie honteuse d'être vulnérable, alors que je sais que c'est pas de ma faute. J'en ai parlé qu'à très peu de personnes. Chloé, Le Havre. C'était un soir d'été sur les quais à Paris, j'étais avec une copine assise tranquillement. Et là, sept gars arrivent vers nous et on leur demande gentiment de nous laisser tranquilles. Et puis tout de suite, connasse, t'as tes règles, je vais te baffer, ferme ta gueule. Moi je sais pas quoi faire, aujourd'hui on sort plus. C'est fou de voir en une seule soirée autant de sauvages, de bêtes, d'individus bizarres. Chantari, Paris. Étudiante, je prenais le bus tous les jours pour me rendre en cours. Je me faisais très souvent aborder à l'arrêt du bus. Un jour, un homme m'a suivi jusque dans le bus. J'ai profité d'un arrêt fréquenté et j'ai sauté hors du bus au dernier moment sans qu'il ait le temps de me suivre. Il s'est jeté sur la porte. Je suis ensuite montée dans le premier bus en pleurant, de peur qu'il me retrouve à l'arrêt d'après. J'ai eu peur de le recroiser pendant des mois. Maintenant, je porte toujours un casque pour éviter de me faire aborder. Mimi, Annecy. Harcèlement, attouchement, violence, viol parfois, chaque poste est une histoire particulière, une blessure encore vive. Certaines de ces femmes s'en sont libérées, d'autres y sont toujours enfermées. Ces témoignages, Marie les prend en pleine figure. Si elle se dit engagée, elle n'est pas une militante professionnelle. En quelques jours, de victime, elle est devenue porte-parole, une personne publique qui très vite est devenue la cible de trolls, insultes, menaces. Marie est sur tous les fronts. Alors sa vie se complique un peu chaque jour. L'appétit diminue, les insomnies se multiplient. Fin août, elle s'échappe enfin de Paris pour quelques jours. Mais le 27 août, un coup de téléphone sonne la fin du repos. Au bout du fil, un enquêteur. Un homme correspondant à son agresseur a été interpellé. À peine le téléphone est-il raccroché que la jeune fille reçoit un appel d'une journaliste cherchant à recueillir sa réaction. Pour Marie, une nouvelle bataille, judiciaire celle-là, va s'ouvrir. Je pourrais te blesser, oui. sensible. Fabrice Drouel. Une fille passe dans la rue, un homme lui lance des propos graveleux, elle lui lance un « ta gueule » sonore, il la frappe. Cette scène, mi-juillet à Paris, a tourné en boucle cet été sur les télévisions et les réseaux sociaux. L'agresseur a été identifié, le procès a lieu cet après-midi. La victime, Marie Laguerre, était ce matin l'invitée de Marc Fauvel sur France Info. Qu'attend-elle du procès ? Que ce soit un procès symbolique et exemplaire pour tous les autres hommes qui se permettent d'avoir des comportements sexistes. Voilà, que ça envoie un message fort, qu'on ne tolère pas ce genre de comportement, ni nous et ni la justice. Il a reconnu les faits. Oui, il a reconnu. Comment il les a expliqués ? Alors, de ce que, en tout cas, les enquêteurs m'ont dit, ouais. Il a justifié ça en disant que je me dandinais et j'ai fait exprès de marcher donc devant lui. Aujourd'hui, on sait que la plupart des victimes ne vont pas porter plainte. Vous espérez que ça va changer ? C'est très important de ne surtout pas culpabiliser, de surtout pas avoir honte. Hein. C'est toujours l'agresseur qui doit avoir honte de ses actions. Donc j'étais sensibilisée, j'ai des amis qui sont sensibilisés, qui m'ont tout de suite conseillé d'aller porter plainte. Donc c'est ce que j'ai fait. L'agresseur de Marie est un homme de 25 ans. Déjà 8 fois condamné, dont 3 pour des faits de violence, notamment contre sa mère, qu'il n'a plus le droit de voir. La prison, oui, il l'a connue, à de nombreuses reprises d'ailleurs. Paumé, sans domicile et travail fixe, il vit de petits boulots. Poursuivi pour harcèlement sexuel et violence aggravée, lors de l'audience du 30 août, il reconnaît les faits mais il les minimise. Il parle même d'un compliment et ose dire à Marie « Je m'excuse pour la gifle qui a été mise. J'aurais dû lui donner une meilleure leçon de vie, juste avec des mots. » Son avocate, elle, parle d'un dossier classique marqué par une surmédiatisation qui ne doit pas peser sur son client. Le tribunal décide le renvoi du jugement au 4 octobre afin de procéder à une expertise psychiatrique. À la sortie, Marie est déçue, oui, mais pas abattue. Un mois plus tard, l'attente médiatique est toujours aussi forte. Car tous ont pris la dimension de l'enjeu pour ce procès, notamment dans son aspect symbolique. Notons qu'il n'est en rien une application de la nouvelle loi. L'outrage sexiste n'est entré en vigueur que 10 jours après les faits. Le prévenu est ici jugé pour des faits de violence aggravés par l'usage ou la menace d'une arme et non pour harcèlement de rue ou sexuel. Oui. Mais le procès se déroule quelques semaines après la publication de cette nouvelle loi. Comment l'ignorer ? La défense, en tout cas, maintient sa stratégie et, prévenue comme avocat, tente de minimiser les faits. Dès le début de sa plaidoirie, l'avocate de Marie, Noémie Saïdi-Cottier, cite les mots de Simone de Beauvoir. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Cette affaire, elle est habituelle ici devant la 23e chambre, mais elle est importante car elle parle d'un fait de société. Marie Laguerre veut porter le message que ce comportement violent, irresponsable est désastreux. Un homme qui jette un cendrier parce qu'une femme ne répond pas à ce qu'il appelle de la drague, qui peut tolérer ça ? Précisément, la justice ne tolérera pas. L'individu est condamné à 6 mois de prison ferme et 6 autres avec sursis et à 2 000 euros pour préjudice moral, assorti d'une obligation de soins psychologiques et de suivi à ses frais d'un stage de sensibilisation contre les violences sexistes. À la sortie du procès, Marie semble soulagée, heureuse. Sa guerre est finie, ou presque. Par rapport à ce matin ou les jours d'avant où j'étais déçue de qu'ils avaient enlevé le harcèlement sexuel, j'avais peur qu'on ne l'aborde pas du tout en fait. Et là, ça n'a pas été le cas. Et honnêtement, je suis vraiment contente de voir qu'on en est là parce que je pense qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible. Je pense que ça n'aurait pas été possible. Il y avait la prise de conscience était plus timide. Elle a été assurée par les mouvements MeToo et Balance ton porc. Certaines peut-être en avaient conscience, mais de pouvoir en parler avec légitimité comme ça a été le cas. C'était pas possible, je pense, il y a quelques années. Depuis ce verdict, la jeune femme a repris ses études, sa vie, qui s'était un peu suspendue pendant l'affaire. Engagée, elle l'est toujours, bien sûr, mais à sa manière, celle de son époque, sans carte, mais en compagnonnage. On la repère souvent, en effet, dans les cortèges, ou lors de conférences, ou de réunions féministes. était présente encore lors de la marche d'août du samedi 23 novembre. Sur le web, depuis cette affaire, d'autres femmes ont pris la parole. Parmi elles, Safietou Ndwaye, une étudiante de 20 ans. Le 12 décembre 2018, elle interpelle la RATP via Twitter avec ce message. « Il ne se passe pas une semaine sans que ceci ne m'arrive, et je n'exagère pas. Pour une fois, j'ai voulu filmer tout pour montrer à quel point c'est grave. Et que montre la vidéo ? Un homme assis qui se masturbe à travers son pantalon juste en face de la jeune femme. » Merci. Tu veux boire quelque chose ? Non, merci, c'est gentil. Je ne vais pas boire. Merci, c'est gentil. Comment ? Non, c'est bon, merci, je ne veux pas. D'autres femmes reconnaissent l'homme filmé par Safietou Ndwaye, victime elles aussi de l'individu. Buzz, articles, médias, l'homme se présente lui-même à la police. Il a été jugé en juin dernier. Âgé de 48 ans, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve, une obligation de soins, y compris psychologiques, mais aussi à l'obligation d'indemniser ses victimes. Nous pourrions également citer les histoires d'Adélaïde, de Marie, de Camille, ou bien encore celles d'Anaïs, Anaïs Bourdet, 34 ans. Souvenez-vous, c'est elle qui, en 2012, a lancé le blog Paytachnek. 7 ans plus tard, le 23 juin dernier, elle décide d'y mettre fin. La veille, elle a été agressée lors d'une soirée dans un bar. Sur la page Facebook du blog, elle écrit « Entre les forceurs, les frotteurs, les étrangleurs, les mecs qui menacent et ceux qui frappent avant même de parler, ça fait beaucoup. Je n'ai pas réussi à dormir. Ça fait des mois que je réfléchis à l'avenir de Paytachnek, alors j'hésite. Arrêter ou continuer ?» Après Balance ton porc, MeToo et toutes les prises de parole, il faut passer à l'étape suivante. Car témoigner ne suffit plus. Rien n'a changé. Les hommes sont toujours aussi violents. Je n'ai pas de suggestion pour l'étape suivante. Je suis aussi démuni que n'importe laquelle d'entre nous. Marie Laguerre, elle, a repris ses études, ses voyages, sa vie, sans pour autant abandonner le combat. A-t-elle peur désormais quand elle marche dans la rue ? Sans doute. Depuis la publication du décret d'application de la loi contre les violences sexuelles et sexistes, 713 contraventions pour outrage sexiste ont été infligées. Les associations y voient un début, mais la justice ne réglera pas tout. Ici, comme ailleurs, il faut un travail de fond, un travail sur les mentalités. Le combat contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, c'est l'affaire de tous. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, aller te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Marie Laguerre, l'histoire plutôt de Marie Laguerre, dont nous allons parler avec notre invitée Fatima Benomar. Bonjour. Bonjour. Mais d'ailleurs, la chanson Angèle qu'on vient d'entendre, au-delà de ses qualités artistiques, une très très jolie mélodie, dit aussi des choses intéressantes et ça fait aussi partie du combat qu'on peut mener par la chanson. En tout cas, vous êtes, vous, l'une des cofondatrices de l'association Les Effrontés du mouvement Nous Toutes, qui a organisé la grande manifestation du samedi 23 novembre dernier. Nous y reviendrons. Avant cela, évoquons l'histoire de Marie Laguerre, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez découvert cette vidéo et de ce qu'a été votre réaction? Effectivement, quand on a vu cette vidéo, ben malheureusement, c'est quelque chose, en tant que féministe, quand on tient des permanences et qu'on écoute beaucoup de victimes, ben, c'est la retranscription finalement vidéo des discours et des témoignages qu'on a quotidiennement. Effectivement, quand on les voit en direct, c'est encore plus rageant, mais c'est vrai que avec les caméras cachées qui avaient eu lieu en Belgique, aux États-Unis, etc., ben, Marie Laguerre a apporté par sa ténacité pour aller demander cette vidéo et la mettre sur les réseaux sociaux. Elle a apporté au mouvement féministe une autre matière pour faire la démonstration que c'était un phénomène massif, réel et extrêmement violent. Oui, ça fait effectivement prendre conscience, si besoin en est, de ce qu'ont vécu les femmes avant cette prise de conscience, avant cette réaction, je pense aux femmes des années 60, 70, 80, jusqu'à presque aujourd'hui. Elles étaient dans une certaine forme de solitude. Là, il y a une prise de parole, il y a une prise de conscience, relayée évidemment par les réseaux sociaux. Le monde bouge. Bah, effectivement, ce qui est de carrément révolutionnaire avec toutes ces vidéos des caméras cachées qui ont envahi l'espace visuel et les réseaux sociaux, c'est que les femmes ont pu inverser le regard subjectif. C'est-à-dire que le phénomène du harcèlement de rue, qui n'était même pas nommé comme ça, était plutôt raconté que par des hommes, on va dire, comme dans le film de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. Et c'était un autre scénario, quoi. C'était un scénario glamourisé, euphémisant. Et là, les femmes ont pris le pouvoir sur le discours et ont pu montrer et retourner la caméra avec leur propre discours et leur propre témoignage et ont montré une réalité autrement plus crue. Mais c'est vrai que c'est très très important d'en parler parce que on parle souvent des violences masculines dans le sens du contrôle patriarcal qu'il y a sur les femmes et qui est souvent commis, on va dire, par leur entourage, leur mari, leur patron, les hommes de leur famille, leurs frères, etc. Et là, le fait que les femmes soient ciblées par Monsieur Tout-le-Monde, qu'elles subissent le contrôle social et de Monsieur Tout-le-Monde, c'est finalement la démonstration par excellence que le système patriarcal existe, parce qu'il n'y a même pas besoin d'un contentieux entre une femme et un homme pour que l'homme devienne violent. C'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde qui s'attaque et qui cible Madame Tout-le-Monde. Alors, cette histoire de Marie Laguerre intervient dans un contexte très précis, celui du vote de la loi abordant notamment la question du harcèlement de rue. Est-ce qu'on peut revenir sur l'élaboration de cette loi, si vos souvenirs sont assez précis? Quand le gouvernement a-t-il pris conscience de ce problème jusqu'à présenter un projet de loi? Mais un projet de loi, ça vient de l'exécutif. Bah effectivement, dès son discours de novembre 2017, il me semble, le président de la République avait invité toutes les associations féministes à venir à l'Élysée, j'y étais moi-même, et à prononcer ce discours où il a commencé à lancer cette piste. Puis après, il y a eu Marlène Schiappa qui a annoncé le recrutement des 10 000 policiers du quotidien, etc., et qui a défendu la loi. Bon, il faut savoir qu'au début, le mouvement féministe et notamment les associations qui étaient les plus engagées dans ce combat n'étaient pas très convaincues, notamment Peïta Schneck, dont vous avez parlé, créée par Anaïs Bourdet et Stop Harcèlement de Rue, ont évoqué, on va dire, deux risques. D'abord, le risque de déqualification, parce que on utilise ce terme harcèlement de rue qui est très général et pas très précis, mais ce qui se passe avec les femmes dans l'espace public, c'est souvent des choses qui sont déjà des délits. C'est des injures sexistes, sale pute, salope, tout ça, des propos à connotation sexuelle répétés, des agressions sexuelles, voire des tentatives de viol et des viols. Et tout ça, ce sont des délits. L'injure sexiste, c'est 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. L'agression sexuelle, c'est 5 ans de prison. Donc j'ai déjà vu des articles de presse qui disaient qu'une main aux fesses, c'était du harcèlement de rue. Pas du tout. C'est une agression sexuelle et c'est 5 ans de prison et c'est pas du tout une amende de quatrième catégorie. Donc il y avait ce risque de la déqualification et puis aussi le risque de la sécurité des victimes, parce que ce que demande la loi, c'est le flagrant délit, mais imaginez, c'est très rare que ça se passe sous le nez d'un policier. Il y a une femme qui est harcelée par un homme qui va venir lui chuchoter quelque chose dans l'oreille et passer ou quoi, et qui va demander à un policier. Le policier lui dit, écoutez, moi j'ai rien vu, je peux pas donner une amende là tout de suite, et il va pas raccompagner chaque femme qui se plaint jusqu'à chez elle, et donc il la laisse en s'éloignant face à son agresseur. Au danger, donc, oui. Ce sont des choses qui étaient un petit peu, enfin, qui nous ont laissé un petit peu sceptiques, non pas par rapport aux vœux pieux, mais vraiment à comment ça va se passer sur le terrain. Et au bout du compte, cette loi? On se retrouve avec 447 amendes, ce qui est tellement loin, finalement, de la réalité massive et presque banale du harcèlement de rue. Bon, bah, ce sont des cas qui ont dû se passer dans des, on va dire, dans des circonstances très, ou bien parce que c'était filmé, comme avec Marie Laguerre, ou bien parce que ça s'est passé vraiment sous le nez d'un agent de police. Mais bon, la rareté des condamnations montre bien que ça reste une loi assez symbolique. Est-ce que vous avez, vous êtes appuyé, enfin toutes les personnes qui soutenaient une loi comme celle-là, est-ce que vous avez regardé à l'étranger, j'imagine chez nos voisins européens, on a parlé des Belges, hein, de l'initiative belge, nos voisins européens sont plus avancés que nous, moins avancés, où en sont-ils ? En tout cas, la Belgique a fait la loi avant la France, et la France d'ailleurs l'avait pris en exemple, et s'était confrontée aussi à un nombre encore plus ridicule, je pense, je me demande même si c'était pas 7, un nombre encore plus ridicule de condamnations ou d'amendes qui ont vraiment été faites. Donc on n'a pas un pays qui a démontré que le fait de créer un délit d'outrage sexiste ou un équivalent allait faire reculer réellement la question du harcèlement de rue. Et c'est un petit peu, nous les féministes, on a toujours misé d'abord sur l'éducation, sur la sensibilisation, et c'est sûr que quand le gouvernement rechigne à miser d'abord sur un vrai programme contre le sexisme à l'école, où dès le plus jeune âge les filles, les garçons peuvent discuter de ces questions-là et comprendre, ce qui est absolument pas admis par la loi, bah c'est sûr qu'on est obligé un peu de rattraper les pots cassés après sur le terrain, et ça a été une grande lâcheté finalement du précédent gouvernement d'avoir renoncé aux ABCD de l'égalité qui était ce programme contre le sexisme à l'école. Et Marie Laguerre d'ailleurs a évoqué l'importance de l'obligation de soins imposée à son agresseur. Alors évidemment là on statue après le geste, effectivement vous avez raison, il faudrait mieux statuer avant les gestes, donc ça passe par l'éducation. Enfin c'est le fait de cette obligation de soins imposée à tout agresseur, elle est intéressante aussi, non? Il y a une obligation de soins et il y a aussi des stages en fait de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Bah, c'est une forme de prévention aussi, parce que moi je pense qu'un homme agresseur et un homme violent est un citoyen rattrapable. Sinon je ne croirais plus en la valeur de la peine, qui est aussi celle de pouvoir faire amende honorable, payer sa dette à la société et se remettre en question. Donc c'est sûr qu'une simple amende de quatrième catégorie ou cinquième catégorie catégorie s'il y a récidive ou circonstances aggravantes, c'est pas tellement ça qui fait changer les mentalités. Par contre, des stages où des hommes parlent ensemble avec des psychologues pour voir un peu d'où vient la racine de la misogynie, de la violence, et de pouvoir travailler dessus, c'est quelque chose qui peut être encore plus, on va dire, bénéfique. Alors là, je m'adresse à toutes nos auditrices, toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment. Si vous n'avez jamais été concernées directement par tout ce que nous disons depuis le début de cette émission, si pour les femmes qui les écoutent, cette réalité reste incontestable mais théorique, eh bien écoutons ensemble le reportage d'Anaëlle Verzo, notre reporter, a rencontré une jeune femme de 19 ans, Anaëlle, oui, qui porte le même prénom qu'elle, une jeune femme qui subit régulièrement des agressions verbales dans la rue. Elle nous en parle sans détour. On est sur la route de ton lycée. Oui, c'est ça. À Argenteuil. À Argenteuil. C'est un peu plus haut dans la rue, là, au tournant. J'allais au cours, donc il était 9h30. Je commençais assez tard, donc les rues étaient un peu quand même désertes. Et là, un homme dans une belle voiture vite teintée s'arrête à peu près à mon niveau, baisse sa vitre et commence à me poser des questions, à me dire « Salut, est-ce que ça va ?» T'as quel âge, où est-ce que tu vas? J'ai dit, je suis au lycée, j'y vais, donc excusez-moi, il faut que j'y aille. Et il me fait, oh, si tu veux, je peux te déposer, tu peux monter dans ma voiture. Donc je lui ai fait, non, je vais pas vous suivre, sauf que il a insisté, c'est-à-dire que il avançait au même rythme que moi qui marchais, toujours en me relançant. T'es sûr que tu veux pas? On va passer un bon moment. Qu'est-ce qu'il voulait d'après toi? Des services sexuels, je dirais, probablement. Donc c'est là-bas, au coin de la rue. Moi, j'ai tourné pour aller du coup chercher mon bus, et lui, il a continué tout droit, et fin de l'histoire. Pour lui, pour moi, c'était une catastrophe. Hein. La plupart du temps, c'est pas, ils ont pas vraiment l'idée de le faire. Mais quand c'est des vraies agressions... Une vraie agression, mais ouais, ça t'est déjà arrivé autrement? Dans les transports. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La première fois, je devais être au collège, donc je devais avoir 14 ans. J'allais à la Défense dans un bus qui n'était pas plein. Un homme 60-70 ans, je dirais, commence à se coller à moi et à se frotter. Donc moi, j'étais tétanisée, je bougeais pas. À se frotter? Ah, à se frotter. Je sentais le gland, disons. Ah, je le sentais. J'étais tétanisée. Disons que toutes mes terminaisons nerveuses à cet endroit-là étaient sur le qui-vive, à pas comprendre ce qui se passait. Il y avait des gens autour, j'essayais de capter leur regard, mais et tout de suite, ils détournent la tête, donc soit ils comprennent pas, soit ils font comme s'ils comprennent pas. Est-ce qu'il te regardait, ce monsieur? Il regardait surtout au niveau de ma poitrine. Donc on était en hiver, donc j'avais pas de décolleté, j'avais rien. Mais voilà quoi. Il avait une main dans une poche et l'autre main en train de se tenir, et donc du coup, avec sa main dans sa poche, il guidait un peu son pénis. Il était dans la main dans la poche. Il faisait des mouvements grâce à ça, pour se frotter. Donc ça m'est arrivé dans le tramway. Là, encore une fois, une personne un peu moins âgée, la cinquantaine, qui s'est frottée, et là, c'était encore pire. Il y avait une érection plus forte qu'avec la personne âgée. L'autre personne, c'était vraiment... Et là, je suis descendue en arrêt plutôt par rapport à là où je devais descendre. J'ai marché, je crois, très très vite pour aller chez moi. Et je me suis effondrée chez moi en pleurs. Ça m'avait... Ma mère était à la maison, donc elle est arrivée, elle m'a demandé ce qui s'était passé. Et la réaction de ma mère m'a dit « ça arrive, ce genre de choses, faut pas le prendre aussi tragiquement ». Voilà, ça m'a fait un peu... J'étais un peu traumatisée, mais... Ma mère, on en a reparlé du coup ce week-end... Elle me dit, il faut pas trop dramatiser, c'est des choses qui arrivent ou ce genre de choses, mais c'est pas normal en fait que ça arrive. C'est ça le problème, c'est le fait de rendre ça anormal. Peut-être que finalement il y en aura moins, ils vont peut-être plus se poser la question, moins oser le faire. Faut pas dramatiser. Bah oui, c'est la réponse qu'il faut pas apporter justement. Quelle est votre réaction à ce que vous venez d'entendre, un témoignage qui ressemble probablement à beaucoup de ceux que vous recueillez aussi? Oui, oui, tout à fait. Bon, déjà, rappelons à nos auditeurs et auditrices que ce qu'elle, la dernière anecdote qu'elle a racontée, c'est pas du harcèlement de rue, hein, c'est une agression sexuelle qu'elle a, oui, vécue. Donc, c'est, bon, ça me touche beaucoup parce que le plus haut, le plus long, le plus lointain, pardon, harcèlement sexuel dont je me, harcèlement de rue dont je me souviens, c'était, j'étais lycéenne et je rentrais pour la première fois à pied chez moi et un homme, en voiture aussi, a stationné, m'a demandé plusieurs fois si je pouvais, s'il pouvait me raccompagner chez moi, et j'étais très embarrassée, c'était la première fois que ça m'arrivait, je ne savais pas quoi répondre, et on est absolument démunis dans ces moments-là. Donc, ce qui est important de dire, c'est que le harcèlement de rue, en tout cas ce phénomène d'agression et de menace dans, dans l'espace public, c'était le plus gros secret de Polichinelle que vivaient les femmes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de moyens ou de vocabulaire à utiliser pour en parler, alors qu'on était toutes passées par là. Et c'est important parce que c'est paradoxalement au moment où les femmes commencent à devenir un peu adultes, en tout cas adolescentes et tout, qu'elles sont le plus infantilisées. C'est-à-dire que c'est au moment où on arrive à l'âge adulte qu'on est obligé de prendre, par exemple, de se faire accompagner quand on rentre seul à la maison pour pas qu'il nous arrive malheur. Et on intègre vraiment cette idée que on n'arrive jamais quelque part vraiment à l'âge adulte. Nous, les femmes, il nous faut toujours un chaperon. Voilà. La deuxième chose à dire, c'est par rapport à la confusion qu'on essaie de mettre avec la drague. Mais souvent, ce que disent les harceleurs de rue, c'est tellement scandaleux qu'on voit bien que leur objectif, c'est pas que la femme se retourne et dise « Ah, vous m'avez dit exactement ce que je voulais entendre, allons dans une chambre d'hôtel ». C'est qu'eux, ce qu'ils cherchent, c'est la recherche de confrontation. C'est l'intimidation, c'est l'humiliation. Ils savent très bien qu'en sifflant une femme, en lui faisant des remarques déplacées de but en blanc sur son physique, la séduire, quoi. Bien sûr. Vraiment, oui. ils la mettent dans des situations humiliantes et inconfortables et ils lui font la démonstration de l'impossibilité du non, N-O-N, des femmes. Mmh. C'est-à-dire que quoi qu'elles fassent, si elles se taisent, elles se font insulter. Si elles répondent non merci, elles se font insulter. Enfin, elles ne savent plus comment se sortir de cette situation. Oui, si elles répondent un ta gueule, elles reçoivent un cendrier. Donc effectivement, et voilà, de toute façon, qu'on réponde un peu ta gueule, hein, qu'on ne dise rien, qu'on trace ou qu'on essaye même parfois de répondre gentiment. Moi, ça m'est arrivé de me retourner et de dire mais pourquoi vous faites ça? Imaginez, j'aurais pu être votre sœur et tout. En fait, rien ne marche, quoi. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est que c'est encore malheureusement dans la société et malgré cette loi considéré comme quelque chose d'assez bénin. Oui. C'est-à-dire que pourtant, on parle des viols, des violences sexuelles et tout. Et puis bon, il y a quelque chose d'un peu moins important ou moins dangereux. Ce serait le phénomène de harcèlement de rue. Alors même que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus envahissant dans notre vie. C'est quelque chose qu'on va vivre tous les jours. Et c'est ce qui fait que les femmes vont moins sortir ou sortir moins tard ou s'habiller autrement ou faire des détours ou dépenser plus pour se payer un Uber pour rentrer le soir. Et on vient de se rendre compte qu'en fait Uber n'est pas du tout sécurisant, parce qu'il y a des agressions sexuelles aussi qui se passent dans les Uber, et c'est ce qui fait, in fine, que l'espace public est très majoritairement masculin, ce qui pose limite une question démocratique. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère parmi les phénomènes, les divers phénomènes de violence faite aux femmes. D'ailleurs, ça renvoie à ce que disait la mère de notre témoin tout à l'heure. Faut pas dramatiser. Je me demande si les stages de sensibilisation pour les agresseurs de rue, on pourrait pas les faire suivre à certains parents. Parce que dire faut pas dramatiser, c'est la plus mauvaise façon d'aider sa fille, non? Ça participe effectivement à l'euphémisation de la condition de femme. C'est-à-dire que la culture du viol, pourquoi on parle souvent de la culture du viol, n'en déplaise à M. Fickelkraut, c'est tout un système qui participe à minimiser la gravité de ce que vivent les femmes. Parce qu'il y aurait une condition fatale de femme à subir ce genre de choses, les avances d'un patron et tout. Et même moi, ça m'est déjà arrivé, il y avait un patron, alors en plus j'étais dans un contrat précaire, qui m'avait fait des avances. Et quand j'en ai parlé à mes parents, j'adore mes parents, mais c'est vrai qu'ils m'ont un peu répondu « Tu peux pas empêcher un homme de tenter son coup, quoi. » Et donc, le fait de mettre aussi la faute sur les femmes, souvent, moi-même, d'ailleurs, en 2016, je vais faire un petit balance-ton comico, je suis allée porter plainte pour une agression sexuelle, hein, carrément, dans ma rue, au commissariat du 11e, et l'agent qui a pris ma déposition, d'abord, il a beaucoup insisté pour que je ne porte pas plainte, mais que je dépose une main courante, et j'ai tenu tête, parce que je suis militante et que je suis un peu habituée, et il m'a fini par me culpabiliser sur mon heure de sortie, parce que je te rentrais chez moi à 1h du matin, alors que voilà, c'était l'été, en plus, j'ai même pas d'ailleurs à me justifier. Mmh. Même si je le fais pas. Mais quel âge il avait? Quel âge il semblait avoir, ce policier? L'agent? Oui. Je sais pas, il devait avoir entre 30 et 40 ans. Donc un jeune? Oui. Bon, bah, c'est pas rassurant. Non, parce qu'on aurait pu. C'est absolument pas rassurant. On aurait pu parler aussi de phénomène de génération, ça existe aussi. Là, il était jeune. Bon. Alors, le Grenelle des violences faites aux femmes, quel regard vous posez sur cette initiative? Bah, c'est toujours la même chose. En fait, en France, on adore faire des lois qui sont très jolies sur le papier, sans leur donner les moyens. Et du coup, 5 ans plus tard, elles ont un bilan catastrophique et on est obligé de rajouter des lois. C'est très français. Donc, nous, ce qu'on a essayé de porter avec la marche Nous Toutes, et c'est pour ça que la première revendication, c'était le milliard d'euros, c'était pour dire qu'on ne pouvait pas combattre matériellement un système comme les violences faites aux femmes sans y apporter des moyens pour la formation des professionnels, notamment ce policier auquel j'avais eu affaire, et malheureusement c'est pas un cas isolé, pour avoir plus de moyens pour les associations, pour les places d'hébergement, etc. Donc malheureusement, avec plein de pessimisme, et j'en suis la première désolée, je pense que dans 5 ans vous allez m'interviewer, que je vais vous montrer que bah voilà, on ne voit pas un recul ni des féminicides ni des nombres de viols. Mais pourquoi sexuelles dans l'espace public? Pourquoi vous partez sur ce pessimisme là parce que vous menez un combat? Si la base est pessimiste, c'est encore plus difficile, le combat. Ah non, mais je suis pessimiste du fait de ce que nous présente le Grenelle. J'aurais été ravie qu'il nous présente quelque chose de plus sérieux et surtout de financer. En fait, le budget contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité de cette année à l'année prochaine va augmenter que de 5%. Et c'est très simple, en fait, avec les mêmes moyens, ce n'est pas possible qu'on renforce et les formations des personnes qui reçoivent les dépositions des femmes et les moyens de les mettre en sécurité. Effectivement, donner une ordonnance de protection, ça coûte de l'argent. Donner des téléphones grand danger pour qu'une femme menacée par son conjoint soit en ligne directe avec les commissariats, les gendarmeries, ça coûte de l'argent. Et quand on fait le bilan de toutes les femmes qui ont été tuées par leurs compagnons cette année et d'ailleurs les années précédentes, beaucoup auraient pu être sauvées. Et d'ailleurs, les enquêtes du Monde ou même d'ailleurs le rapport de l'inspection de la justice a dit qu'en France, ça ne servait à rien de porter plainte parce qu'il y a très peu d'enquêtes qui sont lancées. On auditionne plus ou moins les victimes, beaucoup plus rarement les accusés et pas du tout les témoins. Donc il y a un manque de volonté là-dessus. Et là encore, il n'y a pas de secret. Quand on ne finance pas une politique publique correctement, on ne peut que s'attendre à ce que le phénomène ne ralentisse pas l'année prochaine. J'espère que l'avenir me donnera tort, mais je suis quand même militante féministe depuis 10 ans maintenant, parce que mon premier engagement était en 2009. Et je commence à savoir ce que c'est qu'un discours politique, voilà, avec plein de trompettes et tout un concert, et ce que ça donne dans les faits, dans les années à venir. Une chose est sûre, c'est que le nombre de féminicides, malgré la première loi contre les violences faites aux femmes, c'était en 2010. Hein. C'était au début de mon engagement. Oui. Dix ans plus tard, elle a un bilan, 9 ans plus tard, elle a un bilan extrêmement piteux, comme on peut le voir malheureusement. Eh bien, ce sera le mot de la fin, enfin, d'un point de vue formel, hein, parce que j'espère que ce ne sera pas le mot de la fin de votre combat. Merci infiniment, Fatima Ben Omar. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Marie Laguerre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et, si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Selim Guéribi qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier l'ensemble des personnes qui ont préparé ces Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Jean Bulot et Simon Maisonobe, attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyenne Guyane et Hélène Bisio.